Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacré à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Dans la suite de ce dialogue, après avoir demandé à Mohammed de lui indiquer son prénom, Khalid interroge son interlocuteur sur son pays d'origine. Min aina anta? Ana min al-Hind. Dans notre étude du premier dialogue de ce manuel, nous avons déjà fait connaissance avec Mohammed et nous savons donc qu'il vient de l'Inde. Et dans le 7e mini-cours de cette série, nous avons également appris comment interroger et répondre à la question sur l'origine géographique. Il est donc ici facile de comprendre que la question de Khalid signifie « D'où es-tu ?» et que la réponse de Mohammed correspond à « Je suis de l'Inde » qu'on peut également formuler en français en disant « Je suis indien ». Dans les répliques suivantes de ce dialogue, Khalid pose ensuite à Mohammed une petite question de géographie. Ma asimatu baladik? Asimatu baladi Delhi. Si on observe la question de Khalid, ma asimatu baladik, on constate qu'elle est composée de quatre termes. Elle commence par le pronom interrogatif ma, qu'on utilise pour interroger sur la nature d'une chose et qui correspond en français au pronom personnel que, quoi, quel, ou à la formule « qu'est-ce que » selon le contexte. On trouve ensuite le nom « Asimatu » qui signifie « capitale » suivi de la construction « baladika » qui est composée du nom « balad » qui signifie « pays » mais qui peut aussi, selon le contexte, désigner une région, une ville ou même un village, c'est-à-dire tout espace défini habité par des gens. Dans cette construction, ce nom est ensuite annexé au pronom personnel « kaf » de la deuxième personne du singulier masculin que nous avons rencontré dans les premières répliques de ce dialogue et qui se présente sous cette forme attachée lorsqu'il occupe une fonction qui implique la déclinaison au cas indirect « al-jar » car dans cette phrase, l'expression « asimatu baladika » est constituée de deux annexions successives. En effet, la construction « baladika » est composé du nom « balad » qui est annexé au pronom personnel « kaf » et signifie « ton pays », littéralement « le pays de toi », et elle est également précédée du nom « asima » qui est lui-même annexé au nom « balad » puisque Khalid cherche ici à connaître la capitale du pays de Mohammed. Le nom « balad » se retrouve donc à la fois annexant du nom « asima » et annexé au pronom personnel « kaf ». Du point de vue de la déclinaison, le nom « balad » est marqué par la voyelle « kasra » à sa terminaison, puisque sa fonction d'annexant, « mudafun ilayhi », implique sa déclinaison au cas indirect, « al-jar ». Le pronom personnel « kaf » auquel il est annexé occupe donc lui aussi la fonction d'annexant, « mudafun ilayhi », mais il n'est pas marqué par la voyelle « kasra » puisque les pronoms personnels sont toujours invariables en arabe littéraire. Traduite littéralement, la question de Khalid signifie donc « Quelle est la capitale du pays de toi ?» et correspond donc en français à « Quelle est la capitale de ton pays ?» Dans la suite du dialogue, Mohammed répond à la question de Khalid en disant « Asimatu baladi Delhi ». Au début de cette phrase, on trouve le nom « Asimatu » qui signifie « capitale », suivi de la construction « baladi » qui est elle-même composée du nom « balad » qui dans ce contexte signifie « pays », annexé au pronom personnel « ya » de la première personne du singulier qui se présente sous cette forme attachée lorsqu'il occupe une fonction qui implique la déclinaison au cas indirect « el-jar ». Enfin, la réponse de Mohammed se termine par le nom « Delhi » qui désigne la ville de Delhi, la capitale de l'Inde. Comme dans la phrase précédente, l'expression « Asimatu baladi » est composée de deux annexions successives, puisque le nom « Asimatu » est annexé au nom « balad » qui est lui-même annexé au pronom personnel « ya ». Prise dans son ensemble, la réponse de Mohammed signifie donc « la capitale de mon pays est Delhi », c'est-à-dire littéralement « la capitale du pays de moi » et Delhi. Voilà pour aujourd'hui. Ce 12e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. On se retrouve, Inch'Allah, très prochainement avec le 13e mini-cours, dans lequel nous continuerons l'étude des répliques de ce dialogue entre Khalid et Mohamed. Wassalamu alaikum.